Tous les jours, le vieillard venait à pied de la rue du Montparnasse à la rue Plumet par le boulevard. Chaque invalide, en le voyant venir, ne manquait jamais à se mettre en ligne, à le saluer, et le maréchal récompensait le vieux soldat par un sourire. « Qu'est-ce que c'est que celui-là pour qui vous vous alignez ?» disait un jour un jeune ouvrier à un vieux capitaine des invalides. « Je vais te le dire, gamin, » répondit l'officier. Le gamin se posa comme un homme qui se résigne à écouter un bavard. « En 1809, » dit l'invalide, « nous protégions le flanc de la grande armée, commandée par l'empereur, qui marchait sur Vienne. Nous arrivons à un pont, défendu par une triple batterie de canons étagés sur une manière de rocher, trois redoutes l'une sur l'autre, et qui enfilait le pont. Nous étions sous les ordres du maréchal Masséna. Celui que tu vois était alors colonel des grenadiers de la garde, et je marchais avec. Nos colonnes occupaient un côté du fleuve, les redoutes étaient de l'autre. On a trois fois attaqué le pont, et trois fois on a boudé. « Qu'on aille chercher Hulot, » a dit le maréchal. « Il n'y a que lui et ses hommes qui puissent avaler ce morceau-là. »